الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهم الإسلام، الله تبارك وتعالى نقول بين شوز sans que cette chose ne comporte du bien pour tous les serviteurs, et que ce ne soit un intérêt pour eux dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a annoncé que les péchés et les désobéissances sont parmi les plus grands mals qui peuvent toucher le serviteur et les pays. Mais on dira même plus que tout mal, la base de tout mal dans ce monde ou dans le dollar, c'est à cause des péchés que l'on commet. Combien les péchés et les désobéissances ont éloigné des bienfaits qu'Allah avait donnés à des personnes? Combien ils ont mérité des châtiments et l'avilissement à cause de ces péchés? Alors parmi les effets que ces péchés ont, il y en a qui touchent l'individu, d'autres qui touchent la société, ou qui touchent l'individu et la société en même temps. Ou bien, cela peut toucher le cœur, cela peut toucher aussi les corps. Et il y a des effets qui peuvent toucher les bienfaits de ce ballon, ainsi que les bienfaits de l'au-delà, et d'autres effets que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Parmi les plus grands effets des péchés et des désobéissances, c'est le mal-être et la distance que le croyant peut trouver, ou que la personne, le serviteur peut trouver entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le fait de trouver les adorations lourdes et difficiles, et de trouver un goût dans la désobéissance et dans le péché, ce qui fait que ce serviteur perd de la valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme Allah ta'ala dit dans Surah Al-Hajj verset 18, et celui qu'Allah habilite, il n'y a personne pour l'honorer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, certes Allah est jaloux, et ce qui provoque la jalousie d'Allah, c'est quand le croyant commet ce qu'Allah a interdit, a rendu illicite. Parmi les effets des péchés et des désobéissances, c'est les maladies psychologiques ou bien liées à l'âme de la personne. Alors les gens se retrouvent perdus dans la vie. Ils ne comprennent plus pourquoi ils sont sur terre. Ou ils sont malheureux. Leur poitrine est serrée. Et tout cela, c'est à cause des péchés. Car il faut savoir, barakallahu fikoum, que les péchés et les désobéissances touchent les cœurs comme les maladies physiques touchent les corps. On dira même que les péchés et les désobéissances sont les maladies des cœurs. Et le seul moyen de soigner ces cœurs-là, c'est de les délaisser et de s'en éloigner. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surah Al-Infitar, versets 13 et 14, certes, les bons sont dans des plaisirs, dans des délices, et les pervers sont dans une jahannam, dans un enfer. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans le Jawab al-Kafi, page 51, il a dit, ne crois pas que ce bienfait ou bien ce châtiment sont seulement les bienfaits et les châtiments de l'au-delà. Mais ce bienfait et ce châtiment touchent les trois mondes, c'est-à-dire le monde de ce bas monde, le monde intermédiaire, le monde du barzakh, et le monde éternel, là où on va être établi éternellement, que ce soit le paradis ou l'enfer. Donc les gens de l'obéissance sont dans un délice, dans ces trois mondes, et les gens de la désobéissance sont dans un châtiment, dans ces trois mondes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surah Taha, verset 124, celui qui se détourne de mon rappel, alors il aura une vie misérable et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Parmi les effets des péchés et des désobéissances sur l'individu et la société, c'est le fait d'être privé de la baraka, de la bénédiction, et d'être privé du risque de la subsistance. Tout cela parce qu'Allah a dit dans Sourate Al-A'raf, verset 96, « Certes, si les gens des villages ou des villes avaient cru et avaient craint Allah, on leur aurait ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont réfuté, ils ont démenti, alors on les a pris du châtiment à cause de ceux qui faisaient comme péché. » Dans le sens des versets. De même qu'il a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la personne se voit privée de sa subsistance à cause d'un péché qu'il a accompli. Et ce hadith, Al-Hafidh al-Iraqi et Al-Hafidh ibn Hajar ont dit qu'il était acceptable, bien que l'imam al-Albani l'ait rendu faible. Il y a une parole d'Abdallah ibn Abbas qui dit, certes, la bonne action a comme effet de donner une lumière sur le visage et un éclaircissement sur le visage et une lumière dans le cœur et une largesse dans la subsistance et une force dans le corps et un amour dans le cœur des gens pour toi. Alors que le péché, ça assombrit le visage, et une noirceur dans le cœur, et une faiblesse dans le corps, et une diminution dans la subsistance, et une haine dans le cœur des gens pieux contre toi. Parmi les effets des péchés et des désobéissances, c'est qu'Allah nous soumet à nos ennemis, et que la force parte de notre communauté, et qu'on soit avili, qu'on n'ait plus d'honneur. L'imam Ahmed rahimahullah a rapporté dans son musnad le hadith d'Abdullah ibn Omar où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et l'avilissement et l'abrutissement a été écrit pour celui qui désobéit à mon ordre. On vous les croyant, quand on regarde l'histoire est le meilleur témoin sur cette règle de voir comment les péchés et les désobéissances ont un effet sur la communauté. Comment la communauté de l'islam était dans son passé? Elle était honorable. Elle avait la force. Elle était crainte et respectée dans le monde entier. Mais quand on a délaissé l'islam et on a enlevé la charia de notre vie, la législation islamique de notre vie, alors toutes ces bienfaits sont partis, se sont transformés en avilissement et en bassesse, et après l'honneur, on a trouvé le déshonneur. Et tout cela, ce n'est pas une injustice d'Allah, c'est la loi d'Allah avec ses créatures, que personne ne peut échapper à cette loi. Car Allah a dit, ô vous mes serviteurs, j'ai interdit entre vous l'injustice, alors je me suis interdit l'injustice à moi-même, et je l'ai rendu entre vous interdit, alors ne soyez pas injustes. De même, dans le hadith de Thauban, qui est un hadith sahih, véridique, rapporté par l'imam Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, vous n'êtes pas loin de voir toutes les communautés se réunir autour de sur la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les gens s'appellent autour d'un plat pour manger. Alors, on a dit, c'est-à-dire que les compagnons ont dit, au messager d'Allah, est-ce que c'est parce qu'on sera peu ce jour-là? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mais ce jour-là, vous serez beaucoup, mais vous ne serez que comme l'écume de la mer, comme de la mousse. Et on enlèvera la crainte du cœur de vos ennemis, ils ne vous craindront plus. Et dans votre cœur, il y aura le wahm. On a dit, qu'est-ce que c'est le wahm pour le messager d'Allah? Il a dit, c'est l'amour de ce bas monde et avoir de l'aversion pour la mort. Dans l'autre hadith, qui est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, qui est un hadith aussi véridique, où Abdullah ibn Omar dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quand les gens vont être occupés à ramasser le dinar et le dirham, l'argent, et que leur vente se fera avec l'usure. L'ina, c'est une sorte de vente dans le riba, dans l'usure. Et qu'ils vont être occupés que par leurs bêtes, en suivant les queues des vaches. Et qu'ils vont délaisser le combat au service d'Allah. Allah va leur envoyer un avilissement, une faiblesse, qu'ils ne pourront pas repousser tant qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Tous nous connaissons la parole de l'Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab, qui a dit: Allah nous a honorés avec cette religion, l'islam. Et si on cherche l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah va nous rabaisser. Parmi les effets des péchés et des désobéissances, c'est que Allah nous enlève des bienfaits qu'il nous avait donnés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, et vous n'êtes pas touché par un malheur sans que ce ne soit par la cause de ce que vous avez acquis de vos mains. Et encore, Allah pardonne beaucoup. Verset 30 de Surah Ash-Shura. Donc quand les gens changent d'obéissance à Allah en désobéissance, alors le bienfait qu'Allah avait donné aux gens, Allah il le change en méfait. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, dans Surah Al-Anfal, ou dans Surah Ra'd, certes, Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Parmi les effets des péchés et des désobéissances, il y a le fait d'oublier la science et de ne pas réussir à retenir. Et ça, c'est un effet qui fait très mal pour les savants et pour les étudiants dans la science. Car la science est une lumière qu'il y a dans le cœur. C'est un cœur qui est rempli de l'amour d'Allah et de son obéissance et d'un retour vers lui. C'est pour ça que quand l'imam Shafi'i s'est assis devant l'imam Malik lui a dit: Ô jeune homme, je vois qu'Allah a rempli ton cœur de lumière, alors ne l'éteins pas avec l'obscurité des péchés. Et pour finir, parmi les effets des péchés et des désobéissances, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, à cause de nos péchés et nos désobéissances, fait répandre la corruption, les maladies, l'injustice sur terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans Surat al-Rum, verset 41, « Certes, la corruption est apparue sur terre et dans les mers à cause de ce que les gens ont fait de leurs mains, ce qu'ils ont acquis de leurs mains, pour les faire coûter une partie de ce qu'ils ont fait comme acte, peut-être reviendront-ils à Allah ou à nous. » Dans son verset. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qui est un hadith véridique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô vous les muhajirines, cinq choses, si Allah vous éprouve avec ça, et je demande qu'Allah vous protège de les voir. Il n'y a pas la perversité et la fornication qui est répandue dans un peuple et qui l'ont fait en plein public, sans que Allah ne les éprouve de maladies qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Subhanallah, ne pensez-vous pas au sida? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de ça dans le hadith. Il a dit aussi: et les gens ne trichent pas dans la balance sans que Allah ne les éprouve par la pauvreté et que les gouverneurs soient injustes envers eux. Et les gens n'empêchent pas leur zakat, empêchent de donner la zakat, le monde légal aux pauvres, sans qu'Allah ne leur interdise la pluie qui tombe du ciel. Et s'il n'y avait pas les animaux, ils ne pleuvraient pas du tout. Et ils n'auront pas rompu le pacte d'Allah et le pacte du messager d'Allah et le pacte de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'Allah ne leur envoie un ennemi qui prendra une partie de ce qu'ils possèdent. Et tant que les dirigeants des musulmans ils ne jugeront pas par le livre d'Allah pour choisir parmi eux, Allah va mettre la discorde et la dispute entre eux. Regardez ce hadith, résume la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi, quand le mal est répandu, tout le monde mérite le châtiment. Comme il a été rapporté dans le hadith de l'imam Ahmed, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les péchés et les désobéissances sont faits en plein jour, alors ma communauté sera touchée par un châtiment général. De même que là, ce jour-là, on pourra même invoquer Allah et lever les mains et pleurer, mais Allah n'acceptera pas le dua. Comme il a été rapporté dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous allez conseiller le bien et vous allez déconseiller le blâme. Ou bien, vous verrez un châtiment d'Allah qui va descendre sur vous, puis vous l'invoquerez et il ne répondra pas à vos invocations. Donc, mes frères et mes sœurs, serviteurs d'Allah, repentons-nous à Allah, revenons à Allah, pour qu'Allah tabaraka ta'ala nous coupe de ses bienfaits et nous éloigne des mauvais effets, des péchés et des désobéissances dans cette vie et dans le delà.